Line-in, bonsoir, bonsoir. J'ai tellement de choses à raconter aux auditeurs, aux auditrices, membres ou non-membres de CKRL. Vous allez peut-être l'apprendre si vous glanez sur Internet. Là, vous allez vous rendre compte que Errance Reynaldienne est à vendre. Et puis là, je suis sur une recherche là, pas d'argent, parce que moi, l'argent, ça amène rien, mais je me suis dit avant de vendre mon émission, comment moi je vaux? Non, pas ce vaut-là, mais comment évaluer mon corps au niveau économique, pas au niveau psychologique ou intellectuel, ça c'est foutu, Fanny foutu, la vie est à l'envers. Mais ça, non, non, on peut pas voir ça de même. Et puis là, j'étais dans un petit groupe, j'étais le seul garçon, toutes les autres, ils étaient 7 filles, j'étais le seul garçon. J'ai dit, vous les filles, comment évaluez-vous mon corps? Là, ils m'ont dit, ben écoute, là, veux-tu qu'on soit gentil ou non, non, j'ai dit, soyez intègre, là, soyez. Honnête, soyez honnête, ils m'ont dit ça vaut pas une scène. J'ai dit comment ça? Est-ce que c'est parce que je m'entraîne pas? Est-ce que c'est parce que je fais pas attention à moi? Quoique, écoute, je me lave les cheveux tous les jours, je me lave à tous les jours, 2 fois par jour, ou quelques minutes avant de partir pour le travail, et au retour du travail, je peux pas être aussi propre. Mon cheveu, pas dit, ouais, mais t'as les cheveux longs, puis ça te va mal, puis t'as la barbe, c'est négligent, tu sais, ça te néglige. On sent que t'es négligé. Je suis pas négligé, je suis propre. Plus propre que n'importe qui, même. Ou la plupart des gens que je côtoie, je ne sens pas mauvais. Non. Et puis, non, non, tout est sous contrôle. Et puis là, ils m'ont dit, écoute, là, c'est bien beau. Je dis, attention, comme disait un poète et un auteur, un intellectuel qui est décédé, en fait, on ne le sait pas, il disait, oh non, on ne le sait pas, vous allez comprendre pourquoi, il disait, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je dis, ouais, mais là, Saint-Exupéry, Saint-Exupéry, ben oui, qu'est-ce qu'il y a? Réfléchissez-y, les filles, réfléchissez-y. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ouais, mais pourquoi tu veux qu'on évalue ton corps si l'essentiel est invisible pour les yeux? Ben là, je lançais ça de même, là. Aujourd'hui, le lundi 27 mai 2024, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mes petits amis. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Reynaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Moi, ce que je veux vous dire, hey, bon, la leçon était meilleure avant. Hein? Ah oui, oui, oui, attendez un peu là. Le son était beaucoup mieux avant quand? Avant là, quoi? Ah mon Dieu Seigneur. Raymond Baudouin d'Amérique du Nord britannique. 1, 2, 1, 2. Oui. OK, c'est pas pire. Ben, c'est pas pire, mais surtout pas mieux. Aïe, aïe, aïe. Comme nous sommes le dernier lundi du mois de mai, j'ai une chanson que j'adore. Et je peux pas la faire jouer autrement qu'aujourd'hui parce que c'est la dernière. C'est fabuleux parce que de un, c'est un peu. C'est pas un peu, c'est revendicateur. C'est une voix chaude, unique, initiale CN. Voici Parimé. Pas Marimé, Parimé. Marimé n'a rien à voir là-dedans. Marimé ne jouera jamais. Il n'y a aucune chanson qui sera diffusée à mon émission sur CKRL. Non pas que je l'aime pas, c'est qu'elle ne m'intéresse pas. Marimé. Marimé, oui, Parimé. Oui, monsieur. Oui, madame. Mais Parimé. Mais Paris. Mais Paris, mais Paris.

Hey, ça, c'est de la belle musique. Ça, j'adore ça. C'est l'envolée, c'est l'intelligence, c'est le génie à l'état pur, M. Claude Nougaro, qui vient de chanter. Oh, as-tu du plaisir? Puis en plus, le CD en question, c'est la pastille, c'est comme un ancien 33 tours. Parce que j'ai l'œuvre intégrale de Claude Nougaro, parce qu'on s'aime, moi j'adore j'en ai plein de pas juste des Français, j'ai Bob Dylan, toute l'œuvre de Bob Dylan, j'ai toute l'œuvre aussi de mon oncle Serge, toute l'œuvre de en tout cas, je suis pas là pour vous énumérer toute ma bibliothèque, ma discographie, j'ai Léo Ferré dans sa totalité, autant audio que vidéo. Ben oui, j'ai eu la folie à un moment donné à mon anniversaire de me faire un cadeau et de m'acheter toute l'œuvre vidéographique et visuelle de Léo Ferré en combien de DVD? 15 ou 16 DVD. J'ai l'intégrale, tout ce qu'il a fait. Là, tu le vois même aux toilettes. Ah oui, il est constipé, M. Ferré. Ah, il était constipé. Et puis sinon, vous l'êtes-vous? Constipé. Là, attendez, là. Est-ce que je peux mettre le disque dans sa pochette? Parce que quand même, moi, je fais attention à mes articles. Attends un petit peu, OK? Attendez, s'il vous plaît, jase entre vous. Je sais que ça ne se fait pas normalement, mais vous êtes à Errance Renaldienne. Tout peut se faire ici à la radio. Parce que c'est une émission anarchiste, pamphlétaire et libertaire. Tellement libre que je vous laisse. Je laisse tomber le micro pendant quelques secondes. Vous avez entendu, j'ai mis ça dans pochette. C'est des pochettes en carton. Ça graphine le DVD, le CD, je me dis. C'est pour ça que je me fais un exemplaire à moi. Puis là, je vais jouer une chanson, puis je vous reviens, OK? Ça vous dérange pas? Je vais vous parler de ce qui m'est arrivé. OK, on y va. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Mois de mai, hein, on a commencé le scooter il n'y a pas si longtemps. Je perds mon française. Mon française me perd. Donc, que dois-je faire? Lire davantage? M'intéresser à ma langue natale, ma langue maternelle, ma langue qui me maintient en vie, la langue que j'aime tant et que je massacre avec tant de délices sur la coulisse de l'amour. Rogne-moi! Craque-moi, croque-moi le francophone. Hein? Pardon, j'étais parti. Je suis revenu. Alors, mais oui, j'ai mon scooter. J'ai fait une crevaison en allant m'acheter une petite bouteille de vin rouge, mon vin préféré, qui s'intitule, et je n'ai pas peur de vous le dire, qui s'intitule Real Compagnia de Vinos. C'est un Tempranillo, un vin de la bouteille. Mais un vin de... Ça vient d'où, ça? C'est hindou? Non, c'est... ça vient de... D'Espagne. Bon, pourquoi je ne prends pas un vin français? Parce que ça coûte cher. Je bois les vins français uniquement en France. Et je vous dis une chose, je ne bois pas aucune autre élixir que ce qui provient de la France. Parce qu'on a le choix entre le Portugal, quand tu vas... Moi, c'est, je vais au Bacchus, la cave de Bacchus. C'est un endroit extraordinaire. On trouve du vin. Puis en plus, les gens du Bacchus, ils me connaissent depuis le temps que je vais là. Et j'ai droit à quelques réductions. Et souvent, on me fait goûter du nouvel arrivage. Fait que je rentre là, soucieux de ma soirée à venir. Disons vers 10h du matin avant de rencontrer des invités. Puis là, ils me font boire 3-4 nouveautés, là, tu sais, 250 millilitres. Puis à la fin, c'est Valderie, il est 11h. Ah, je suis de bonne humeur, je dois rencontrer tout le monde, je sers la main de tout le monde, les gens veulent rien savoir de moi. Et là, c'est pas ça, j'ai mon scooter électrique. J'ai eu une crevaison en allant chercher mon vin, ma bouteille. Et c'est la première crevaison que je fais. Ça fait 9 ans que je possède des engins électriques que l'on appelle des scooters. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Là, je vais tout vous raconter, faites-vous-en pas. Comme mon père n'avait pas beaucoup d'argent, ma mère non plus, je suis pas d'une famille riche. Moyenne pas riche. On n'était pas pauvre, mais moyen de pas riche. Puis, ouais, au début, peut-être dans mon enfance, on était un peu pauvre. Mais on n'a jamais rien manqué. Moi, je me souviens pas d'avoir été, d'avoir mangé de l'eau, puis d'avoir bu de la bière. Et peut-être de la bière, mais pas à cet âge-là. Et qu'est-ce que vous voulez dire, l'insignifiant? Ah oui, je vais essayer de trouver le moins cher. Tu sais, le moins cher, celui qui répare moins cher. Puis j'ai dit, si c'est moins cher, c'est sûr que ça vaut pas cher. C'est vrai, ça. Faut arrêter de dire, on peut aller dans le pas cher parce que, exemple, pour la nourriture, hein, si tu trouves que ton pain est cher, fais-le. Ça coûte beaucoup moins cher. Ça, je comprends. Ça, je suis pour ça. Bravo, félicitations. On se serre la main. On s'embrasse, ouais, donc, sur la mouche, partout. Mais quand il s'agit, disons, d'avoir... exemple, tu veux t'acheter une carte mémoire pour ton ordinateur. Là, tu vas dire, m'acheter le moins cher, la moins chère, la carte moins chère, hein, tu sais, parce que moi, je ne vais pas investir là-dedans. Là, si je peux avoir ça à 2$. Puis là, tu regardes sur eBay. Puis eBay te propose une carte, là, 32 gigs pour 1$, transport gratuit. Ah, mais m'en vas l'acheter, tu t'en vas l'acheter. Puis là, tu regardes d'où ça vient de là-bas, puis là, tu l'essayes, là, tu envoies des informations, de la musique, puis là, c'est bizarre, c'est toutes des affaires que tu comprends pas, là, c'est des codes, tu dis, voyons donc, c'est-tu possédé par les Raymonds, là, tu regardes tout ça, c'est indisponible parce que ta carte ne vaut pas une maudite scène, ça a été fait sur un vendredi soir, 5 minutes avant la fermeture. Donc, tu t'es fait avoir d'une pièce. Ou tu peux acheter une carte à à 8$, 32 gigs, une marque que tu connais, je ne dirais pas laquelle, tu l'essaies, tu prends des photos, tu fais des enregistrements, tu écoutes ça, c'est merveilleux, tu as payé pour 8$. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ma roue de scooter en arrière? J'ai dit, ben écoute, je l'ai acheté à un endroit. Hein? Si tu veux te faire opérer, tu vas pas voir un mécanicien. Si tu veux te faire opérer pour le cœur, tu vas voir une super infirmière, peut-être, pourquoi pas, les super infirmières, on vous aime, hein? On vous embrasse, heureusement que vous êtes là, parce que vous dégorgez un peu les médecins spécialistes, et puis vous êtes là, vous êtes des êtres extraordinaires, exceptionnels. J'en ai rencontré il n'y a pas longtemps pour un petit problème technique. Une chirurgie d'un jour. Oui, ils m'ont débouchonné. En parlant de vin, ils m'ont débouchonné. En tout cas, fait que là, je me suis dit, je vais appeler à l'endroit où je l'ai acheté, mais c'était pas à Québec, c'était sur la rive sud, à Lévis. Fait que là, j'appelle le monsieur, je dis, bonjour monsieur, je me suis acheté un scooter chez vous il y a quelques années. D'après moi, ça faisait 4-5 ans, je n'avais pas regardé mes archives, mais ça faisait juste, je l'avais acheté en 2001. 2021, puis je pensais que c'était vraiment bien plus vieux que ça. Je pensais que je l'avais acheté avant la COVID. Hein? Fait que, non, mais on contrôle toute notre vie avant ou après. Est-ce que c'était avant la COVID, Raymond? Quand tu t'es fait arracher la molaire dentier, ouais. Puis ils sont trompés, ils ont arraché une dent de ton dentier, c'est ça, avant la COVID, hein? On a vu toutes les masques, parce qu'avant ça, les dentistes, hein, on se faisait arracher avec le masque, là, devant la bouche. Fait qu'il arrachait les dents qui fonctionnaient pas, puis qui fonctionnaient des fois, puis là, mais le montant que ça coûtait, ça fonctionnait pour eux autres, hein? Et c'était-tu avant ou avant la COVID? Ah, bon, doux Seigneur. La COVID, c'est quoi? En 1900, non, ça, c'est la peste, hein? En 2000, ça? Non, en 2000, ça, c'est la malariase et mise à mase. Hein? Oui, ou couche-toi l'as. Couche-toi l'as, la mise à mase. Après, peut-être que anciennement, on disait, est-ce que c'était avant ou après le sida? Mais là, c'est la COVID. Tu sais, la COVID a le dos large. Hein? Pourquoi ça coûte cher? Pourquoi on n'en a pas? Ben là, c'est parce que c'est la COVID. Oui, mais hey, ça fait déjà 2 ans, c'est fini. C'est jamais fini, la COVID. C'est vrai, comme le sida, c'est toujours là. Oui, oui. Mais il faut arrêter de prendre la COVID comme un point de repère. Parce que le point de repère commence à se perdre quelque part là, dans le langage courant, puis on aura le bol, le COVID. Moi, ce qui me dérangeait au plus haut point, c'est pendant la période où on était contaminé, puis on pouvait pas, mais pas tout le monde, là, mais en tout cas, les médias nous contaminaient, puis on pouvait pas rien faire parce qu'il n'y avait pas encore de vaccin. Les gens continuaient à acheter de la Corona. La Corona, faut vraiment aimer, là, hein? Se visser dans le... Ah, mon Seigneur! Tu bois de la Corona? Pourquoi? On est dedans, là. Hein? Bon, en tout cas, chacun ses affaires. Et puis, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah oui, donc, j'ai dit, je vais appeler mon... C'est pas un concessionnaire, parce que c'est pas l'endroit où ils fabriquent le scooter, mais ils en vendent. Fait qu'ils connaissent ça, ils ont les techniciens appropriés. Fait que là, j'appelle là-bas, puis je dis bonjour, Renald Gagné, là. Il me semble que je l'ai acheté en 2019, je pensais que c'était avant la commune. Et puis là, il dit, ah, mais là, on a changé de programme, donc tous nos clients qu'on avait avant, on l'a plus. On les a plus. Mais ça, je suis pas certain. Parce que, tu sais, le gars essaie de faire... Ben ça, c'est maintenant que je vous dis ça, parce que je pense qu'on se fait avoir par les vendeurs. Parce qu'un vendeur, ça reste un vendeur. Hein? Et à un moment donné, là, j'étais... Oh, j'avais appelé pour... j'avais brisé mon Tascam. C'était un Tascam, je pense, le DR... DR quelque chose, en tout cas. Et puis, c'est le plus cher. Bien, je l'ai ici, mais j'essaie de trouver le truc. Comment tu t'appelles, toi? M'a demandé, parce que là, je vois Tascam, là, comment on t'appelle, c'est quoi le code en bas? Tascam, ouvre-toi, un Tascam DR100, OK? Puis les Tascam DR100, là, c'est le modèle là, classique, là, le bon. J'avais appelé à Québec, parce que je voulais pas acheter ça ailleurs, mais ça pressait, fait que j'ai dit, avez-vous des Tascam, bon, comme je vous ai dit? Il dit, ah, oui, il dit, c'est 550$. 550$? Là, je voyais sur Internet 300, je pouvais en avoir 300, transport gratuit, mais j'allais l'avoir dans 3 semaines, 1 mois, bon. Fait que là, il dit, ouais, c'est très bon, hein? Moi, j'en ai un. Hey, qui a un Tascam si tu fais pas de radio, si tu fais pas de musique? J'ai dit, ah ouais, vous avez ça, vous. Ah ouais, ouais, moi j'aime ça, les oiseaux, je les enregistre. Hey, il n'y avait pas à se dire ça, là. Là, ça faisait un peu. Il se trahissait. Comme on dit souvent, il se. Dans le pied, il se tirait dans le pied. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire que là, j'appelle le gars, il me dit, bon, oui, là, on a changé de programme, c'est pour ça que je vous ai plus dans ma fiche. Informatique. Fait que là, je donne mon nom, tout ça, puis j'ai dit une Odyssey 2, parce que c'est ce que j'ai. Hein. J'ai le scooter Odyssey 2, c'est un des plus beaux, 72 volts, c'est un des plus beaux modèles. En tout cas, moi, j'adore ça. Mais là, ils sont rendus aux 84 volts. Le prochain que j'achèterai, là, si la vie veut bien que ça se produise, ben j'aurai un 84. Mais pour le moment, c'est un 72. Puis là, j'ai dit au monsieur, j'ai dit, comment on peut procéder? Là, c'est à Lévis, puis là, j'ai dit, je peux pas vous l'amener ça, puis on n'a pas de camion. Il dit, écoutez, c'est 80$ pour vous aller le chercher, puis 80$ pour qu'on puisse... Mais vous savez qu'une fois qu'il est fait, on vous appelle, vous venez le chercher, puis vous le rapportez. Bon, mais je reste à Québec, mais vous êtes à Lévis, dans le milieu, là, puis ce qu'il ne savait pas, c'est que ma pile, elle tient pas trop la charge. Elle fait ce qu'elle a à faire, là, mais pas trop. Et ben, moi, j'ai rien contre, là, parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, on m'a offert des piles de scooter à mon anniversaire l'année dernière, mais j'ai été très tardif pour enlever les piles, donc ils ont gelé un peu, ils ont gelé un peu. Comment ça, comme l'animateur? Vous êtes qui, vous, pour me juger? À pied, par terre, lécher le sol, le tournesol, n'a que deux mains. Elle tourbillonne et faradol. Bon, en tout cas, fait que là, j'ai dit, ouais, 80$, 160$. Bon, OK. Anciennement, c'était 60. Là, c'est rendu 80. À cause de la COVID, hein? Ah, l'essence a monté à cause de la COVID. Avant ça, c'était pas cher. C'est tellement pas vrai. Et puis là, j'ai dit OK. Et puis, le monsieur, le lendemain, il vient le chercher. Sans savoir que c'était la personne qui réparait les appareils électriques, les scooters. Fait que ça avait l'air d'un bonhomme qui ramasse ses scooters puis qui donne ça à l'entreprise puis qui demande aux techniciens de faire ça. Fait que là, il dit, OK, j'ai dit, est-ce que vous voulez que je vous aide à le monter? Ah, je suis capable de monter ça tout seul. Ah. Fait que là, je laisse aller, tu sais, je le défais, je l'enlève de la béquille parce que c'est pour le tenir. Puis là, il glisse. Là, oh, là, il sent bien que c'est lourd. J'espère que c'est 300 livres. Pas le gars, là, mais le scooter. J'ai dit, est-ce que vous voulez que je vous aide à le monter? Il dit, ah, s'il vous plaît. Fait que moi, je le mets sur le en marche et je fais fonctionner le moteur. Alors, je l'ai monté en haut. Et en haut de moi, c'est ça, de la petite montagne pour se rendre au camion. Et puis là, lui, il l'attache, tout ça. Fait que j'ai dit, OK, allez-vous-en. Puis là, j'avais comme la larme à l'œil. Hein? J'ai dit, je sais pas si je pleure parce que je perds mon scooter pendant quelques temps ou si je pleure parce que ça me coûte 160$ aller-retour. Des fois, tu sais, il y a des affaires qui se mélangent. On appelle ça un amalgame d'émotions. Fait que là, le gars est parti. This is my word, this is my way. Show me a sign, sweep me away. This is my word, heartbreaker, gatekeeper. I'm feeling far away, I'm feeling right. Take in my heart, deep in my mind. Take me away, take me away. This is my word, dream maker. Take a la suite de la fuite avec le scooter électrique de Reynald Gagné. Hein? Oui, oui. Ben, c'est moi, Reynald Gagné. Ça, c'est comme le début de l'émission, hein? Reynald Gagné. Gagné, j'ai rien gagné, j'ai rien gagné. Je l'ai payé, mon scooter. Et puis la réparation aussi. Mais là, je l'ai vu partir, hein? Puis bye-bye. Puis, hein, je vais vous la conter. Un peu comme DJ Lamolose avant de vous quitter. L'histoire des petits villages prenant. Et puis après. Moi, quand je confie quelque chose à quelqu'un, à une personne, ou à un organisme, ou à une compagnie, je vais les emmerder. C'est plus fort que moi, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que je paye. Puis quand je paye, mon argent, bien, la vôtre aussi, mais la mienne, je la gagne dure. Bien dure, donc dure, bon dure, bien très, très dure. Non, je ne suis pas un mineur de fond. Ah non, je suis pas dans des... Ah non, ma vie est pas... Ben quoi que moi, ma vie est en danger parce que quand tu travailles avec la clientèle, tu sais pas, un vol à main armée, un malade qui arrive avec une mitraillette puis qui, on sait pas, une épée ou je sais pas, avec un tire-poids. Pff, pff, pff, tu m'as pas eu. Aïe, il y a un œil. Alors tu deviens un cyclope moteur. Hein? Non, mais quoi? Non, c'est pas un gars qui a un cyclope, c'est un œil dans le front. Mais, je sais pas, le poids arrive dans le front, puis là, ça germe, et puis ça fait un troisième œil. Puis là, tu dis, je vois bien mieux avec mon troisième œil. Bouchez-moi donc les deux autres, là. Tu sais, celle à droite, puis celle à gauche. Parce que dans le milieu, c'est pas pire. Mais là, c'est pas ça qui est arrivé. Et, mais quand moi, je paye, là, j'emmerde. Je les ai appelés, savez-vous combien de fois? En 48 heures. 16 fois. Bon, je vais vous raconter, mais je ne vous raconterai pas toujours les 16 fois, là, mais quand il est parti, bon, là, j'ai ça, là. Puis une fois qu'il est arrivé, j'ai dit, là, j'ai calculé, bon, Lévis-Québec, puis c'est pas, comme il a pris 40 minutes à venir, je sais pas s'il a traîné ou il a été prendre des affaires, je sais pas quoi, tu sais, mais j'ai pris le même temps quand il, au retour, j'ai dit, bon, il est midi moins quart, il est arrivé. Fait que là, j'appelle. J'ai dit, bonjour, c'est Reynald Gagné. Je vous ai. On est venu chercher mon scooter ici à Québec pour l'envoyer chez vous. Il dit, ah, oui, M. Gagné, oui. On travaille déjà dessus. D'accord, dessus, tu sais, dessus. C'est comme si. Hein? Bon, dessus, parfait. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Il y avait peut-être un lit, puis on a mis la couverte, on travaille dessus. Puis, oh! Mais ça, c'est leur affaire. Hein? La vie privée du monde, puis les entreprises. Fait qu'on travaille dessus. Là, c'est pas mal, ça. Mais avant. Ah oui, non. Ah oui, c'est ça. Avant. Est-ce que c'est avant? Avant ou après? Pendant ou avant? Non. Ah non, OK. Fait que là, il dit, on travaille dessus. Alors là, j'ai dit, est-ce que croyez-vous, parce que c'était un mercredi. Bon, on va faire ça clair, parce que c'est pas compliqué. Je vous le dis, c'est pas compliqué. Mardi, je décide d'appeler la compagnie. Mercredi, ils viennent le chercher. Mercredi midi, je les appelle et je leur dis, et puis, on travaille dessus. Bon. Là, à quel moment il sera prêt? Ben, ils disent, si tout va bien, là, vendredi. Mais là, je veux pas. OK, parfait, vendredi. Bon. Fait que là, après ça, hein, un peu plus tard, je les rappelle. Parce que je leur ai demandé, est-ce que le scooter a d'autres problèmes? Il dit, bien là, écoutez, là, il y a les pneus le pneu avant est un peu usé. Puis, si on ne le fait pas là, à la fin de la saison, il va l'être plus, puis l'année prochaine, vous allez être obligé de le changer. Fait que, je vais écouter, faites les deux, avant-arrière, parce que la crevaison, c'est en arrière. Puis, en arrière d'un scooter, je tiens à vous dire que la roue qui permet d'avancer, c'est le moteur. C'est électrique. Et là, je dis, ben, allez-y, comment ça coûte? 70$. Bon, 70$ en avant, 70$ en arrière, pas pire, 140$. Plus le temps. Ces messieurs sont quand même 80$ de l'heure. Hein? Puis là, ils m'ont dit, est-ce que tu veux qu'on vérifie, voulez-vous qu'on vérifie tout le reste? Ça, c'est 30 minutes, ça prend 30 minutes. Tu vérifies les lumières, les freins, puis tout ça. Je dis, oh, il n'y a pas de problème, vérifie tout. T'sais. Tant qu'à, moi, quand je vais à l'hôpital, je ne vais jamais, là, mais si j'étais magicien, non, mais si j'étais un adepte des hôpitaux, puis le médecin dit, ah, voulez-vous qu'on vérifie tout le reste, là, le cœur, le foie, puis le trou de pète, puis ah ouais, donc, alléluia, ben, allez-y, vérifiez. Je suis qu'un objet, puis évaluez-moi, puis si je peux vivre jusqu'à 250 ans, tant mieux. Si je peux m'égrener aussi tranquillement dans ma soupe, quand je suis rendu, tu sais, à 145 ans, puis les petites miettes, si j'ai plus d'argent pour m'acheter des biscuits sauna, ma propre personne pourrait tremper là-dedans, puis manger mes restants. Tu sais, je suis un auto-cannibale. Auto-cannibale, bal, laissez-moi manger. Pan, pan, pan, pan. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ouais, et puis là, le monsieur il dit OK, ben j'ai dit merci, puis au revoir. Là, je raccroche. Et là, le lendemain, je laisse quand même. On est jeudi, je rappelle. Je dis, puis, comment ça va, le scooter, Rénal Gagné? Vous êtes passé mercredi chercher le scooter. Il dit, tout est bien, on est jeudi, excuse-moi, tout est bien. Il dit, j'allais faire le compte puis vous dire comment ça allait coûter. Ben, allez-y. Ben là, écoutez, là, comme on vous a dit, on dit souvent, écoutez, on vous a changé le pneu dans l'avant, dans l'arrière, oui. On vous a comment? Changer le pneu en avant et en arrière, OK? Dans le milieu, ben, il n'y en a pas. Ah, ben mon Dieu, heureusement, ça m'a économisé 70$. Là, comprenez-vous? C'est une blague! Ah! Et donc, 30 minutes de plus. Parce qu'en arrière, ça prend 60 minutes pour changer. Parce qu'il y a des fils. Puis en avant, ça prend 30 minutes. Parce qu'il faut juste changer, puis t'enlèves le truc. Puis bon. Et puis, puis la vérification, je vous l'ai dit, c'est 30 minutes de vérification. Hein? Tout est calcul, tout est ça. Et là, il m'a dit, écoutez, il y a ça. Il me dit le montant, 524 piastres. Oh! Tu sais, j'ai eu comme une petite attaque cardiaque. Mais là, je me suis dit, c'est pas mal. Parce que j'ai reçu un rapport, un retour d'impôt fédéral. Donc, Justin Trudeau m'a payé le trois quarts de ma crevaison. Et aussi de mon pneu avant. Et ensuite, je me suis dit, ah, c'est pas mal aussi, parce que j'ai économisé en ne prenant pas l'autobus et en marchant. Donc, cela étant vu comme ça, ben ça m'a pas coûté un dollar. Puis, le reste est à suivre. Comme ça, hein? Il reste juste une dernière histoire. Ah, soit pas long. J'espère pour vous. Ah non, restez des nôtres. C'est KRL 89.1 à Québec. La radio. Vous n'êtes pas membre, devenez membre. 20$ pour un an. Vous avez des rabais aussi. About time for anyone telling you off for all. Cold to read. No time. I get mine and make no excuses. Waste of precious breath. No time. The sun shines on everyone. Everyone, love yourself to death. So you gotta fire up. Is from above. No time. I get mine and make no excuses. Waste of precious breath. No time. The sun shines on everyone. Everyone, love yourself to death. So you gotta fire up. You gotta let go. You never be loved. You made it alone. You gotta face up. You gotta get yours. You never. Turn your head for one second and the tables turn. Yeah. And I know that I did you wrong. Will you trust me when I say that I'll make it up to you somehow? Somehow. So you gotta fire up. Alors là, on est jeudi, et puis, ouais, non, mais parce que j'ai pas terminé le jeudi, il me reste juste une petite affaire, une petite virgule de rien. On les aime-tu, les petites virgules? Les petites virgules, les petites virgules, les petites virgules d'amour, les petites virgules, les petites virgules, les petites virgules, toujours les petites virgules, les petites virgules, les petites virgules s'articulent comme ils veulent, les petites virgules, les petites virgules, les petites virgules deviennent ridicules. Et donc, les petites virgules, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Non, à la fin, ouais, je les avais venus. Ah oui, non. Ah, oh, je ne l'ai rien donné. Ni le pire, ni le mal. Non, c'est pas celle-là. J'arrive et puis. Pardon? Oui, j'essaie de récapituler. Moi, j'ai pas de coulisses comme Clémence. Clémence a écrit coulisses! La coulisse, elle dit le texte, mais moi, c'est improvisé. Ça paraît pas, hein? Ah, bon, non, ça paraît pas. Ah, M. Grenier, ça paraît pas. Ah, non, non, non, non. On dirait vraiment que c'est écrit comme du Bernache en étoile. C'est qui, Bernache en étoile? C'est un créateur pas encore connu. Donc, nous sommes dans les primeurs. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, dit au gars de... Ah oui, j'ai dit l'homme, au propriétaire, au copropriétaire, peu importe. Quand j'ai appelé plusieurs fois, là, j'ai parlé à 4 personnes différentes. Bon. Et puis, moi, je sais, j'ai l'audition assez développée, hein. Pardon? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'audition assez... J'ai l'audition assez développée. L'eau, elle dit rien, là, mais l'audition, c'est écouter l'oreille attentive, l'oreille qui sanglote devant un chagrin d'amour, l'oreille qui cherche à tendre sur le soupir de son prochain, l'oreille qui ne veut qu'une seule chose, atteindre le cœur de celui qui dit. Qui dit quoi? Qui dit tout? Qui dit surtout « Aide-moi, je suis en détresse. » Et la détresse, bien entendu, peut se résorber par la compréhension. Voilà. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est beau. On m'applaudit. Et donc, est-ce qu'il est capable de descendre? Parce que c'est moi qui l'ai monté. Est-ce que vous vous souvenez au début? Au tout début, la première partie, c'était en 3 parties. Bon. C'est moi qui l'ai monté. Il pensait pas, il croyait pas que c'était aussi lourd. Puis là, il dit, 300 livres, c'est quand même quelque chose. J'avais dit 300 livres. J'avais dit 300 livres, tu te souviens, 300 livres? Oh, et je sais, tu viens de tout, là, ben oui. Et là, parce que pour la descente, il y a de la misère à le monter. Il dit, non, pour la descente, c'est pas pire. Là, j'ai dit, OK, parfait. Fait que là, moi, parce que je suis pas un gars du matin. Ils sont venus chercher le matin en passant mercredi, là. J'ai dû me lever un peu plus tôt. Ça, c'est une heure avant pour moi, là. C'est une heure, j'ai mal dormi. J'ai pas dormi. Puis en plus, j'ai déjà, vous savez, que insomniaque et moi. Donc, le vendredi, je me suis levé quand même une heure d'avance, même si j'avais quelqu'un en haut qui était prêt à accueillir le vendeur, le récepteur, celui qui est là, le livreur. Et j'ai dit, ah non, moi, parce que je n'avais pas vraiment le montant, j'avais perdu ma feuille quand il m'avait dit 50 quelques piastres, 500 quelques piastres et quelques cents. Je l'avais perdu. Donc, je monte en haut avec ma tirelire, puis ça, c'est pas une blague, là, qui est dans une... en tout cas, je dirais pas où, là. J'attends. Une demi-heure après, là, la personne qui devait recevoir mon scooter me dit « Hey, il est là, Renan, il est là, bon. » Là, je sors dehors, hey, je venais de me lever, ça faisait pas longtemps, là. Les yeux bien crémeux, la gueule bien de travers, je ressemblais à Jean Chrétien, alléluia. Là, il me reconnaît. Il dit, ah, vous êtes le travailleur de soir, de nuit. Oui, c'est moi. Bon. Et là, j'ai dit, voulez-vous que je vous aide? Il dit, non. Puis là, quand je l'ai vu descendre ça, je voyais là, qu'il était expérimenté parce qu'il mettait les freins. Tu sais, il pompait le frein pour descendre ça tranquillement. Connaissez-vous ça, pomper le frein? Votre mari pompe le frein, lui. Ah, quand il veut vous satisfaire, il me l'a dit. Il dit, ah, mon Dieu, elle me demande là, tellement d'énergie. C'est pour ça que je pompe le frein. Puis, ben, pour pas arriver trop vite, là, fait que je pompe le frein. Puis, vous êtes rendu à quel âge, monsieur? Ah, mon, la jeune soixantaine et demie. J'embrasse le 70, mais la 70 ne veut pas m'embrasser parce que j'ai demandé la langue, tu sais. Il dit, quelle langue veux-tu? J'ai dit, la langue de chez nous, le francophone. Non, on est français au Québec, là. On est francophone au Québec. Si vous ne parlez pas français, apprenez-le. J'ai rien contre, là. Moi, non. Tu viens où? Tu viens de Limoilou. Ben, apprends le français. Tu as le français d'où? De Trois Pistoles? Ah, mon Dieu. Ah, oui, il y a l'accent, hein? Mais acadien? Ah, ça, les Acadiens, je les adore. Hein, comment il s'appelle, donc? Attention, madame, mes amis. Ouais, Michel Fugain. Je le parle de même. Michel Fugain, il a fait une belle chanson sur les Acadiens et les Acadiennes. Ah oui. Il aime notre Québec. Joe Dassin, on ne peut pas le dire autrement. Et puis là, pour venir au scooter. Ah, ça va vite, hein? L'hamster va vite. Ah, ça tourne tout le temps. Il y a de la boucane là-dedans. Et là, il descend. Il était pas pire. Il pompait. Je parle du frein, là. Et il a descendu numéro 1. J'étais quand même heureux. J'ai dit, ah, mon Dieu. Puis là, j'ai dit... Je le vérifie. Je le mets à sa béquille. Je le vérifie. Je dis, bon, il a pas regardé parce qu'il va juste à 27. Puis normalement, il sera à 35. Fait que là, j'ai dit, c'est pas grave. Là, je le monte en haut, je le place chez moi. Et là, il dit, attendez, monsieur. Il dit, vérifiez, là. Fait que là, je mets le truc. Attendez. Je le place sur ses béquilles, c'est ça le truc. Et là, je tourne le moteur. Puis là, il était à 27. T'sais. J'ai dit, normalement, c'est 35. Puis il dit, ah, ben, il prend le bouton parce qu'il y a trois modes. OK, il y a le mode lent, ça donne plus de force au moteur. Moyen, qui donne un peu moins de force. Puis le rapide, le plus lent, qui donne plus de rapidité. Fait que je l'avais mis sur, sans le savoir. J'ai fait forcer le moteur, c'est pour ça. Mais ça ne peut pas exploser, là. Mais il m'a dit, c'est pour ça. J'ai dit, ah, mon Dieu, vous connaissez ça? Il dit, ben oui, c'est moi qui ai réparé votre scooter. Je croyais que le gars qui venait de ramasser ça, il y a 48 heures, était simplement le livreur, puis le comment t'appelles ça? Ben, c'est le livreur des scooters. Là, je me suis rendu compte, et là, j'étais content, parce que j'ai eu, malheureusement encore, puis ça me dérange, là, j'ai jugé le monsieur. Je ne croyais pas que ce gars-là pouvait réparer des scooters électriques. Pourquoi? Parce que quand il m'a appelé pour venir le prendre le mercredi, il dit « Bonjour! » Parce que j'ai dit « appeler avant » parce que comme je ne suis pas un gars du matin, il dit « Bonjour! » Il dit « Je m'en viens le chercher! » J'ai dit « Oui, allô? Oui, je m'en viens le chercher! Quoi? » Il dit « Ben la machine! » J'ai dit, OK, parfait, il n'y a pas de problème. Parce qu'il a dit la machine dans ma tête. j'avais comme impression que c'était simplement un gars qui pouvait livrer de la pizza, puis, tu sais, il savait pas que c'était un scooter, donc la machine. Il savait, mais il y avait un blanc. Comme moi, ça m'arrive souvent. Donc, encore à mon âge, je me dis que faut pas se fier. Faut pas se fier au discours. Faut pas se fier aux apparences. Parce que ce gars-là, j'ai dit, puis comment vous trouvez mon scooter, tu sais, le vendredi quand il me l'a amené? Est-ce qu'il est bien entretenu? Il dit, ah, il est, en tout cas, on sait qu'il est bichonné de toutes parts. Bichonné. Ah, je le bichonne, tu sais, vrai, je le complimente. Je le flatte. Puis moi, même petit Benjo, à un moment donné, il jappe après moi en disant, ben, hey, je suis plus important que lui, ou moins. Il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. L'amour, c'est universel. Puis. Aujourd'hui, je reçois un auteur, compositeur, interprète, un homme de cœur, de talent, Rémi Tarrier. Alors voici Rémi Tarrier. juste une chanson dans le vide, un petit air liquide, un polaroïde placé sur orbite comme un satellite, une chanson dans le vide. Juste une chanson d'amour pour tâter autour. Le ciel est si lourd, le temps est si court. Une chanson d'amour pour l'oreille d'un sourd. Juste une chanson en l'air, au crayon laser, pour faire la la l'air dans la stratosphère. Une chanson en l'air pour les cœurs déserts. Juste une chanson qui chante la la la. Juste une chanson qui tente, une approche insouciante, omniprésente. Juste une chanson pour rien, une chanson qui vient voir s'il y a quelqu'un qui en a besoin. Une chanson pour rien, pour les Vénusiens. Juste une chanson qui passe là-haut dans l'espace, souffle sur la glace, buée qui s'efface. Une chanson qui passe sans laisser de traces. Juste une chanson comme ça, vous dérangez pas. Elle fait la la la, le monde est si froid. Une chanson comme ça, pour claquer des doigts. Juste une chanson qui chante la la la. Juste une chanson vivante, un genre d'étoile filante, omniprésente. Juste une chanson à boire, trois gouttes d'espoir, au fond d'un trou noir, un air qui nous frôle, une main sur l'épaule, une chanson qui miaule. Juste une chanson qui traîne ses sabots d'alien, son cœur de baleine qui purge sa peine. Une chanson qui traîne, on l'entend à peine. Salut! Sinon, ça va, toi? Ouais. Ouais, pas trop fatigué? Je vais mettre mon truc à charger. Ok, ouais. Plus. Parfait. Je commande à boire. Bon, oui, relax, relax. Tu es né en voiture ou en métro? Non, métro. C'est loin? Ben, d'Ivry, c'est à banlieue sud. Ah oui. C'est quoi, une demi-heure? Hein? Une demi-heure? Oh là, trois beaux quarts d'heure, quand même. Ouais. Je vais voir s'il peut. Oui, mais as-tu le film? As-tu un film? Ah, j'ai pas le film. Oh, ben là, je pense pas que... Ah, des fois, il... Ah, ouais? Ok, alors on se revoit. Tu prends quoi, toi? Mais moi, je vais prendre un chinon, tiens. Ah oui? Ouais. Le film? Oui. Ah, bon. Tiens. Oh, ils sont sympathiques, les Parisiens. Oui, quelquefois. Hey, mais Rémi, C'est un disque surprenant. Ouais. Surprenant. Est-ce que c'est un, est-ce que ça a pris du temps avant de l'enregistrer? Est-ce que les chansons étaient là depuis longtemps? Non, certaines, mais pas toutes. Oui, j'en ai repris quelques-unes parce que j'avais déjà enregistré, mais que j'ai mes moyens et puis je préférais ce qu'on fait avec Jean Dubois et Olivier Philipson, guitare accordéon ou deux guitares. Enfin, il y en a quatre comme ça, plus une qui est interprétée par Olivier et Alice Evans. Mais l'accueil du disque a été étonnant. Ah bon? Ben oui, en fait, tu m'as envoyé le papier de la maison d'édition. Il disait une écriture surprenante et... Oui, alors... Non, mais c'est vrai, mais... Mais je t'avais pas donné le double précédent. Oui, mais... C'est un peu dans la même veine, hein? Exactement. Mais ce que je veux dire, Jean, c'est que... Jean Dubois, Olivier... Mais lorsque tu... Lorsque tu écrivais tes textes, est-ce que tu savais que tu avais une écriture particulière? Tu sais, j'ai commencé à écrire, j'avais 16 ans, alors... C'est beaucoup de poubelles, quoi. Puis, OK, t'as jamais retravaillé tes textes? Ah, si. OK. Si. Lorsque j'écrivais à 16 ans, ça a filé à la poubelle. Hein, mais... Non, mais... Il y en a qui viennent... Spontanément? Plus ou moins spontanément, et puis il y en a que je porte depuis... des fois, plusieurs décennies. Mais à ton actif, tu as combien de disques? Ben, je te les ai amenés. OK. Mais quoi, 5-6? Non, 8, 9. Mais est-ce que tu sens l'évolution entre le premier et le dernier que j'ai reçu, qu'il y a eu quand même... je trouve que ta maison d'édition de ton étiquette de disque a vraiment trouvé l'essentiel du disque. C'est bien raconté. Ah ben tant mieux. Mais tu trouves pas. Mais, si, ben... Il y a un classement des radios en France, c'est Radio Quota, bon, sur 260, il est 26e, ce qui est fort agréable. Mais est-ce que tu t'y attendais, c'est ça aussi je veux non. dire? Non. Non, pas du tout. Il y en a qui sont venus 6 mois avant, un mois après, parce que j'ai beaucoup collaboré avec... Léo Varnet, qui est un compositeur, c'est lui qui accompagne l'accordéon sur celle qu'il a faite. Et qui est qui est très doué, mais c'est un chercheur, il fait des recherches sur le cerveau. Okay. Et la musique, c'est sa passion. Mais, enfin, les deux sont sa passion. Il est spécialiste dans tout, dans la musique et le cerveau. Voilà. Donc, il peut imaginer... Il travaille sur le langage ouais, et c'est le ça. Cerveau. Voilà. Alors, à travers sa musique, ça peut aussi... Bon, on s'entend bien. Il en avait déjà fait des musiques sur le précédent, là, le double. Oui. Il aime bien mes textes, donc quand je trouve pas de musique, quoi, j'y envoyais. Puis il y en a une, c'est Stéphane Cadet qui a fait la musique. Je croyais que ça lui correspondait bien. Il a fait une belle ambiance. Et puis d'autres, Claude Préchac, qui est un vieux compagnon... As-tu l'écriture facile? Ah, ça dépend, non. Des fois, j'ai pinaillé sur un mot, sur une phrase. Et des fois, il y en a, je suis revenu dessus. Je m'étonnais, là, dans la livrée, je voyais une chanson. C'est plus les mêmes mots que je chante maintenant, donc... Alors, ça veut dire qu'elle a changé. Ouais, mais c'est pas une évolution, c'est simplement... un nouveau lexique, un nouveau vocabulaire, parce qu'on... Parce qu'entre-temps, j'ai trouvé une phrase qui me plaisait mieux, quoi, voilà. Donc, une ancienne chanson, tu peux modifier les paroles pour la rendre un peu plus... qu'elle me plaise plus. Plus pétillante. Oui. C'est de traquer un peu les lieux communs. Alors, il n'y a rien de figé, toi? Non. Par la quéquette, peut-être. oui, mais à part la quéquette, ouais, c'est ça. Ah oui, ok. Joyeux Noël, alors, je touche plus. Merci. Je vous ramène les condiments. Le coca, c'est pour toi. Oui. Oh, ben si, c'est... Merci. Bon, enfin, je suis content qu'il y Alors, t'as une chanson préférée là-dedans? Ben écoute, je trouve qu'on ne peut pas parler de chanson préférée puisque c'est... Il me semble que une amène l'autre. D'accord. C'est... Et voilà! Merci. C'est un peu comme un roman avec des tombes. Oui, avec des tombes. Tombe 1, tombe 2. Ah, alors, des tombes. Oui, alors chaque chanson a sa vérité, a sa façon de s'auto-suffit. Oui, oui, mais j'ai essayé aussi. Quand une idée me vient, des fois c'est grave, j'essaie d'y mettre un peu de légèreté. Des fois c'est... Dans la légèreté? Des fois ça part plutôt léger. Puis des fois, j'arrive pas à mettre tellement de légèreté. Mais est-ce que la légèreté, des fois, c'est dans la musique ou dans les paroles? Non, je parle des paroles. OK. Ouais. Mais. Ben, faut que soit que ça m'amuse. À la première, par exemple, chanson Tu mouches. Bon, c'est un peu le dépit amoureux, quoi, jusqu'où on peut aller. M'amuser de dire, même Brel et Cabrel qui sont pas des Brel, que je ne me tire de larmes à soupir. Même la javanaise, je la trouve un peu niaise, quant aux feuilles mortes. Même en reggae, comme disait Renaud, ça m'a toujours fait dégueuler. Et les feuilles mortes, j'en ferai du compost. Mais ça m'a mouru en sens. Mais en fait, c'est faire réagir aussi. Un défi amoureux, t'as envie que tu le sois. Mais c'est aussi faire réagir. Tout détruire et puis faire réagir. Ah, celle-là, là... Enfin, moi, elle m'amuse. Celle-là. Mais c'est sortir... En plus, toi, ce qui te plaît, c'est de sortir des sentiers battus. J'essaye un peu. Après, si c'est pour refaire les feuilles mortes, déjà, j'en serais pas capable. Ouais. Mais... Mais bon, oui, au départ, il faut qu'il y ait une émotion. Il y a quelque chose qui... Il y a une émotion, un truc qui me révolte ou qui me touche. Et... Après, les mots qui viennent, c'est selon, quoi. Souvent, je sais qu'il y a un peu de distance ou de décalage. Et depuis toujours, hein. Même la quéquette, j'avais 20 ans quand je l'ai faite, ouais, ouais, ouais. 19. Mais ça, c'est une chanson qu'on te réclame toujours, surtout vers la fin. Ah, c'est pour ça que j'ai reprise, là. Parce qu'il y avait des jeunes, je la chantais plus, puis des gens qui aimaient bien, qui me l'a demandé, puis j'ai vu qu'il y avait des... C'est un peu comme le zizi de Pierre Perret. On lui demande toujours. Ah ben, pas le même succès. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on lui demande toujours. Ben oui. Non, c'est plus dramatique, quoi. Ouais. Oh, oui, la tienne. Ouais. Ouais, ta version, oui. Donc, je l'ai remise. Au bout du jour ou pas du tout? Ah non, au contraire, à la racine, ouais. Guitare, accordéon, comme je la voulais, parce que j'avais déjà enregistré, mais c'était un accordéon, ça... fait sur synthé. Ouais, c'est pas la même chose. Hein. Moins satisfait. Ouais, ben oui, c'est ça. Là, on l'a fait en scène. C'est très proche, quasiment ce qu'on fait sur scène, avec Jean et Olivier. Mais vous travaillez tellement ensemble qu'il y a comme l'osmose qui est là dès le début. Ben écoute, oui. Les deux s'entendent bien, Olivier Philipson et Jean Bouvoir. Toi aussi. Et ben moi aussi. Oui. Je les ai un peu choisis. Hein, choisi aussi parce que... Il y aurait peu de surnom. Ouais, Jean Dubois, il fait des très belles chansons lui-même. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu. Oh, ouais. Il fait plein de choses différentes. Oui, vraiment, c'est quelque chose. L'amour douche écossaise. Tu m'envoies sur les roses. Et quand je ramène ma fraise, je sais pas comment tu oses me dire, mets-toi à l'aise. Je me tâte et je pose mon cœur entre deux chaises. Oui, vraiment, c'est quelque chose, l'amour douche écossaise. y a un malaise, je m'occupe de ma cirrhose et je file à l'anglaise prendre mon overdose. Toi c'est James at les chaises dont tu te farcis la prose. Où t'en es et je te cause. J'en suis page 113. Oui vraiment c'est quelque chose. L'amour douche écossaise. Pourtant, des fois on baise, si bien qu'on garde la pause. Mais le feu couve sous la baise et de nouveau explose. Marre de cette mayonnaise qui tourne à la névrose. J'entonne la javanaise et toi la vie en rose. Oui, vraiment, c'est quelque chose, l'amour touche écossaise. Qu'on s'ankylose, que l'on sucre les fraises. Faudra bien faire quelque chose, choisir glace ou fournaise. À trop forcer la dose, les cœurs s'usent et se taisent. Et alors je suppose qu'on ferme la parenthèse sur ici j'y repose. L'amour douche écossaise, ah vraiment c'est quelque chose. L'amour douche écossaise. Et Olivier aussi, il a construit un très beau spectacle sur Gainsbourg. Je connais un peu moins. Ouais. Il a fait au Forum Léo Ferré, là. Ah oui. Il y a une dizaine de jours. Tu y étais? Ouais, j'étais allé. Mais je connaissais son spectacle, parce qu'il a beaucoup joué au Connétable, tout ça. Est-ce qu'il reprend les chansons de Gainsbourg? Ah, il fait. C'est que des chansons de Gainsbourg qu'il Et fait. Et puis, il raconte un peu l'histoire de Gainsbourg? Oui, il raconte, c'est pas chronologique. C'est plutôt. C'est anecdotique. Il raconte l'histoire de certaines chansons. Ok, ouais. Et puis des aspects qu'on connaît moins, par exemple. Il lit quelques textes pour. Méconnus. Oui, bref, sur un moment, il était payé pour faire. Pour faire un peu de pub sur des bars parisiens. Oui. En une dizaine de lignes, il décrivait le bar. Et puis c'est fou, c'était hein? Assez savoureux. Ah, oui. Puis il récoltait le fric qu'elle avait. Donc, oui. Mais toi, est-ce que tu remarques une certaine, un certain fil conducteur entre ton premier album et ton dernier? Ah. Oh oui. Oui. Sorte de chemin de pas de côté. Oh oui, okay. La première chanson qui a été enregistrée, c'est Il n'y aura pas de match retour. C'était chez Vogue, ouais. 82. Mm-hmm. C'est une histoire d'amour que je racontais comme un match. Okay. Et en face, il n'y aura pas de match retour. Le mec qui se faisait larguer, puis enfin il y avait la rencontre. Et ça, c'est dans tes premières chansons? Oui. Pas les toutes premières, c'était au bout de 10 ans. Mais on la trouve sur Internet. Hein, oui. Mais toi, est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Des fois, il n'y a pas de règle. Des fois, ça, il y a une idée, puis c'est souvent en marchant. Donc, il y a un rythme. Et puis après, je la ramène chez moi. Mais... Tu prends le magnéto et tu pars? Oh non. Bon, je s'imprime dans la tête. Ah, ça reste là? Ouais. Puis si ça reste pas, c'est pas grave. C'est que c'est... Ça reviendra si c'est important. Oui, voilà. Je fais confiance à. C'est un tamis. Ouais. Ça se tamise pas tout seul. Mais qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Oh, ben. À la chanson particulièrement. Ouais. Parce que. Ouais, j'avais un père qui chantait beaucoup, il était ouvrier, puis, mais il connaissait beaucoup de vieilles chansons. Et... Bruant, tout ça. Oh, oui, mais plutôt des chansons. Il m'a eu sur le tard, donc il connaissait des chansons. Il connaît peut-être. Ouais, et puis même Georgius, des trucs comme ça. Ouais, okay. Pourquoi tantatatu? Un peu comme Bobby Lapointe. Ah, ouais, avant Bobby Lapointe. Bobby Lapointe, ouais. Genre juste des trucs de Fréhel, des machins. Ok, ouais, du vieux, là. Du vieux, ouais. Mais qui avait de la gueule, quand même. Oui, ben la Java bleue, hein. Là, c'est ouais. Et on oublie aussi la Coco. Ah oui. Ouais. La Coco de Fréhel. Fréhel, oui. Ouais. Bon, enfin. Alors, c'était déjà, il chantonnait tout le temps quand il était à la maison, et puis quand il y avait un repas, pas de repas sans qu'il se lève et qu'il se mette à chanter. Le vin aide aussi, hein. Non, mais il faut le dire, hein. Ah, ben des fois, ben alors, il y avait des trous dans les paroles. Ben oui, fois, ben oui, mais c'est pas bon, grave, on est emporté. Et ce que je remarquais, c'est que c'est un des rares moments où ma mère souriait. Ok. Parce qu'elle était plutôt un peu sombre. Introspective. Ouais. Elle avait des raisons, mais bon, à ce moment-là. Ouais. Et là, elle souriait. Et quand... Tiens, merde, ça a un certain pouvoir, la chanson. Oui, oui. Puis surtout quand c'est son mari. Oui. Et tout ça. Bah, lui, il a un côté séducteur. Ouais. Mais bon, et puis à la maison, dès qu'il y a eu un tourne-disque, il achetait les premiers Brassens. Ok. Les chansonniers aussi. Non, mon père aussi, je crois qu'il y a des petits. Félix Leclerc, peut-être t'es passé là-dessus. Félix Leclerc, un peu. Bonjour. J'ai pas de quoi payer l'hôtel. J'ai pas... Un petit peu. Ouais, non, les comiques de l'époque, Jean-Yann, des gens comme ça. Et puis, les variétés de l'époque, hein, moi j'ai... Alors tu... Il écoutait ce qu'il jouait à la radio. Ah, lui, il chantait pas les nouveautés, non. Il chantait les trucs de... Comme Fréhel, tu disais tout à l'heure. Fréhel, des chansons révolutionnaires aussi. Ah ouais, enfin, il y a une petite pièce. Oh. Ouais, bon, il vient. Puis... Il était communiste, donc... Ok. Il fait de la gîte propre. Entre les deux guerres, tout ça. Ouais. Il déboulait dans les bars, et puis il mettait une planche sur le billard, et puis ils avaient préparé des scénettes, comme ça. Bon courage. Voilà, donc il m'avait raconté tout ça, et puis, même à la radio, moi, dès que j'entendais un truc qui m'accrochait, bon, je partais à l'école. Redonnant, quoi, que ce soit des groupes, que ce soit Brel, et après Dutron. Ok, je suis plutôt formé à la variété, moi. Ok. À vous des réseaux, vu des publications sur la chanson qu'on dit à texte. Oui. J'en ai découvert un peu plus tard par un sax qui m'a fait un petit mot sur le disque, là. On faisait du théâtre ensemble, et puis. Lui, il habitait le 16e, tout ça. Il avait une grand-mère qui l'emmenait au théâtre, souvent, au spectacle. Et il connaissait, chez Georges, un bar, oui. Il y avait la chanson. Oh, oui. Mais, comme je faisais déjà des chansons, il m'a dit, tu peux aller voir, là, il y avait... Non, mais c'est pas... Et as-tu un cursus classique? As-tu appris la guitare? As-tu appris... Après, oui, il y a... Conservatoire, je faisais du saxo, mais ça me plaisait pas trop. Ah, t'as fait le conservatoire? À Gennevilliers. Oui, je fais un peu de musique, quoi. Mais, alors, tu connais le solfège, tu connais la... Je connais le solfège, oui. Mais il me faut 2 heures pour écrire une mélodie. Donc, Donc maintenant, il y a des logiciels qui font ça. Ah oui, mais là, c'est... Qui charge. Mais... Ah, qui était plus informatique, quoi. Non, à l'époque, il n'y avait pas... Non, mais aujourd'hui, tu... Aujourd'hui, ça se fait... Non, c'est les musiciens qui okay, écrivent pour moi qui le laissent. Ok, tu laisses les autres... Et puis maintenant, la SACEM, on peut déclarer avec une bande. Il n'y a pas besoin de déposer une partition. Non. Donc, il n'y a plus besoin d'écrire la partition. Non. Après, les musiciens l'écrivent pour pouvoir jouer ensemble. Parce que la majorité ne sait même pas écrire la musique. Non. Donc, c'est bien plus rapide. Il n'y a même plus d'examen maintenant. Avant, il y avait un examen pour entrer à la SACEM. Mais oui. Tu donnais un thème imposé, puis... Voilà, non, mais j'ai très vite, dès qu'un copain qui ne se servait pas de sa guitare, qui me l'a filé, et puis dès que j'ai su faire trois accords avec la méthode Marabout, j'ai commencé à raconter des trucs. Voilà. Est-ce que pour toi, l'instrument le plus facile pour faire de la musique et composer, c'est la guitare, c'est pas le piano? Oh ben, l'un comme l'autre, hein, je trouve. Si on sait jouer du piano, c'est fantastique. Tu sais pas jouer de piano? Non, j'ai pianoté comme ça, quelques mélodies que j'ai trouvées au piano, mais quand j'en ai eu un chez moi. Mais non, c'est pour la guitare et dans la tête. Je suis plutôt mélodiste que vraiment. Alors quand tu vois les musiciens, tu te dis, mais j'aimerais que ça sonne comme pam pam pam pam pam pam pam. Et là tu commences à. Je sais pas si ça s'explique, ça, non? Je te dis, c'est en marchant avec les phrases qui me viennent, il y a découpage qui se fait, et puis une mélodie qui vient les porter. Des fois, elle va bien, des fois elle va pas. Hein. Donc, je trouve que ça va pas, donc je demande à quelqu'un qui est plus musicien ou je la laisse dans un coin et je la reprends. Ouais, c'est ça, la laisses sommeiller un peu. Là. Ouais. Est-ce que tu as plus de création que de musique? As-tu plus de écris-tu plus que tu as de musique à. Oui. Oui? Oui, j'écris plus que j'ai de musique qui me vienne. Et souvent tu laisses la musique être écrite par d'autres personnes que tu aimes bien. Voilà, ouais, maintenant c'est 50-50 en vrai. Mais avant ça, c'était pas ça. Avant ça, c'était toi qui faisais tout. C'était plus moi qui faisais tout. Mais pourquoi t'as décidé de délibérer? Oh, ben parce que. Au bout d'un moment, tu tournes un peu en rond. Tu retombes dans les mêmes trucs. C'est-à-dire même. Il y a des grands qui le disent. Hein, qui vont chercher un peu ailleurs. Ouais. Parce que, ouais. Pour s'enouveler. Oui. Mais. Reviens mon amour, reviens. Reviens mon amour, reviens. Reviens mon amour, reviens mon amour. Reviens mon amour, reviens. Reviens mon amour, reviens. Reviens mon amour, reviens. Reviens mon amour, reviens mon amour. Reviens mon amour, reviens. Si Rimbaud revenait, il ferait du jazz rock. Si Hitler revenait, on ferait dans nos frocs. Si Chopin revenait, il ferait des études. Si Clo-Clo revenait, il ferait comme d'habitude. Reviens mon amour, reviens. Reviens mon amour, reviens. Reviens mon amour, reviens mon amour. Reviens mon amour, reviens. Déconne pas, reviens mon amour, reviens, sois sympa, reviens mon amour, reviens mon amour, reviens mon amour, reviens, chauffe Claudio. Tu voulais faire un break, ça je comprends, mais 15 ans, c'est long 15 ans. Si Bach revenait, il ferait un comeback. Si Gainsbourg revenait, il ferait un tabac. Si De Gaulle revenait, il ferait du basket. Si tu revenais, je te ferais la fête. Reviens mon amour, reviens. Reviens mon amour, reviens. Reviens mon amour, reviens mon amour. Reviens mon amour, reviens. Reviens mon amour, reviens. Reviens mon amour, reviens. La gardienne revient dans 5 minutes. L'assassin revient sur le lieu de son crime. Même les oignons reviennent. Dépêche-toi, je deviens fou. Mais n'aie pas peur, je t'en veux pas. Tu peux revenir, tout est nickel. J'ai secoué le parquet, attaché les piranhas. Tu vois, j'ai encore de l'humour. Il y a du courrier pour toi. Est-ce que la musique t'a permis de vivre ou si t'as un plan B, t'as un autre travail à côté de ça? Ben, l'écriture m'a permis de vivre, mais pas l'écriture de chansons. J'ai écrit des sketchs, okay. J'ai écrit des séries télé. J'ai écrit... Et c'est avec ça que tu as pu vivre obtenir une retraite correcte. Ah, c'est à travers des dialogues. Voilà, ouais. Et pour des séries. Lesquelles? Oh, bah, des séries françaises, hein. Rigolo. À un moment, j'ai commencé par le rigolo, oui. Ouais. À un moment, ils voulaient copier les sitcoms américains. Donc, il y a eu toute une vague. À quelle année, ça? Fin des années 80. Ok. Donc, il y a eu quelques années comme ça. Où... Et puis, j'avais un copain qui faisait des séries policières plutôt, donc il m'a branché, puis j'ai un peu appris sur le tas. Alors, t'as fait des séries policières? Ouais. Un truc qui s'appelait La Crime, un truc qui s'appelait. Il y a un film qui s'appelle La Crime, ça n'a rien à voir. Non. Okay. Non, ça c'était une série. Oui, ok. Mais j'ai même écrit. J'ai fait un ange gardien pour m'y mettre. Okay. Puis des séries, hein. Commissariat Bastille. Quoi pour France 2, pour les grandes télé? Oui, ça. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas le câble. Ouais. C'était France 2, France 3. Ouais. Et puis des sketchs pour la 5 de Berlusconi avec Bouvard. Ah, t'as travaillé avec Bouvard? Ouais, ouais. Comment c'était de travailler avec lui? Oh, bah c'était un peu stressant parce que, ouais. Il y avait un studio avec plein de comédiens et puis chaque auteur se pointait avec des textes tous les jours. Et toi, t'en faisais partie? J'en faisais partie. Donc, t'avais. Quand t'es avec un texte, il disait oh, ça irait bien celui-là, celle-là, et puis des duos, des machins qui se leur proposaient, bon, ils lisaient vite fait. Et puis après, il fallait le présenter devant Bouvard, sans savoir par cœur. Hein. Mais c'est ça parce et que. Et après, Bouvard disait Non. Parce que quand t'écoutais ça, là, on aurait cru de l'improvisation, mais ça l'était pas. Non. C'est pas improvisé. Bon, des fois, il pouvait... Ça semblait improvisé. Des fois, il pouvait se permettre. Ouais. S'il trouvait une vanne à chaud. Et là, t'as fait ça longtemps? Ben, j'ai fait ça longtemps, oui. Est-ce que ça te plaisait de travailler avec Bouvard? Non, ben après, j'ai réussi à bosser avec les guignols de l'info. Oui, ok. Ouais, pendant... Ça a duré que 6 mois. Ok. Mais... Pourquoi ça n'a pas duré? Parce qu'ils ne me payaient pas assez. Ok. Tu sais, il y avait un groupe principal et puis fait, il y avait plein d'auteurs autour. Ok. Et puis ils piochaient là-dedans et puis... Tu vois qu'ils en prenaient plus qu'ils te payaient? T'étais payé des clopinettes. Ok. Donc après, j'ai eu l'opportunité d'écrire dans une série où je touchais les droits. Voilà. Donc, alors c'était beaucoup plus payant. Ben oui. Et ça a bien fonctionné, c'est pour ça que... Oui, j'ai arrêté en 2016. Oh, il n'y a pas si longtemps. Non. Et là, tu as décidé de prendre ta retraite. Je me sens pas à la retraite. Non, j'ai écrit un scénario de film avec un copain réalisateur. Et ça s'est réalisé? Pas encore. Non. Ok. Mais enfin... L'arbre donne toujours des fruits. Oui, mais c'est quoi, c'est un polar? L'autre, c'est... Il m'a appris que c'était une dystopie. Dystopie, c'est-à-dire? C'est un dysfonctionnement du monde, quoi. Ok. C'est beaucoup sur une approche un peu burlesque, humoristique, sur l'approche occidentale vis-à-vis de la mort. Ok. Ouais. C'est de ne pas vouloir voir sur le vieillissement, sur des choses comme ça. Quoi. As-tu fait une école pour pouvoir... Oui, vas-y. Besoin de se prolonger. Oh, oui, de rester jeune. À la limite, si on pouvait être immortel. Ah, ouais, c'est ça. Ah, ouais. Il y a des recherches hein, pour être immortel. Écoute, ce qui est con, je trouve. Ça. Ben oui, l'être humain est là pour mourir. Hein. Ben oui. On est pour mourir, c'est juste ça. Ça enlève toute la saveur à la vie. C'est vrai. Oh, oui. Puis même les gens qui se font refaire le visage, ça se voit. C'est ça qui était incroyable. Les actrices qui étaient super jolies sont devenues défigurées. Madonna, défigurée. Ouais. C'est exagéré. Tu vas voir, tu vas aimer les screens, je te promets. On peut pas tout le temps mais, au top. Hein. Mais elle même pas. Oui, mais elle n'est même plus jolie. Là, on a la 65 ans. Puis, elle était bien plus jolie avant tout ça. Bah, nous aussi, hein. Non, mais ça l'a détruit. Non, mais ça l'a détruit. Est-ce que tu t'imagines, toi, de te faire gonfler les lèvres, te faire enlever les rides? À un moment donné, tu deviens comme... Non. Mais non. Jamais traversé l'esprit. Acceptons-nous comme on est. Il y a des hommes qui le font. Bon, oui, mais c'est épouvantable, on le voit. Se faire retirer le bras. Ou... Ben, il y a le chanteur qui est décédé il n'y a pas longtemps, là... très connu, la chanson J'aime les filles, pas j'aime, ça c'est du tronc, mais voyons, je le vois, Jolivet, ouais. Marc ou ouais, je crois, oui. Son frère. Celui qui a fait une chanson sur les filles, là. Jouvet. Ah, Jouvet, oui, Jouvet. Jouvet. Jouvet, pas lui. Ouais, Jouvet, c'est ça, Jouvet. Patrick Jouvet. Ouais, c'est ça. Oui. C'est fou. Où sont les filles? Où sont les filles? Plastifiées au maximum. Ah bon? Pas... Il est mort, lui, non? Ben oui, il est mort il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais il est mort plastifié. Ben, il est mort plastifié, mais ça se voyait. Ben, j'ai pas vu depuis longtemps. Non, mais il est fan. Ouais. Non, mais surtout que... Il s'appelle Jenny. Nicole Kidman, ça se voit. Ah ouais, Nicole Kidman aussi. Bon, ben oui, ça se voit. Parce que moi, je pense que... Brigitte Fontaine n'a pas été refait. Moi, ça me... Ça t'interpelle pas. Ça mais pour les hommes, ça c'est moins. Ça me plaît pas, moi. J'ai... Non. Ma compagne à 62 ans, très nature, c'est ça. Elle est belle comme ça. Ben oui. Puis la beauté est intérieure, si t'es... Ben, ce que tu dégages. Là, oui, c'est ça. Après, tu vas pas rester la police et les... Non. Et pareillement musclé de 20 ben Johnny à 70 ans. Juste Johnny, il était gonflé de partout. Les yeux, même plus capable d'ouvrir les yeux. T'as même posé, demandé si j'avais fait une école pour écrire. Oui. Non, c'était une période où on pouvait encore apprendre sur le tas. Bon, si t'avais un petit talent. Et c'est le bouche à oreille aussi. Là. Quelqu'un te... Oui, les prods, si tu fais un truc qui plaît. Après ce gars-là, il est. Ouais, il te rappelle, oui, il se refile les noms. Donc, ça fait un peu. Mais t'as commencé dans les années 80 à écrire. Pour la télé. Ouais, 82, j'ai fait le disque, là, chez Vogue. Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, j'ai fait du théâtre pour enfants, okay. Dans les écoles, tout en faisant des chansons et des cabarets. Ok. Ouais. Tu montais des pièces pour enfants, c'est ça? Tu écrivais des pièces pour enfants? Oh, c'était pour une troupe, plutôt même au Canada. Au Québec? Ouais, les Trois Chardons. Les Trois Chardons? Les Trois Chardons. Chardons, ah oh, oui. Parce que le mec était de Nancy et okay. Le Chardon, c'est l'emblème de la Lorraine. Ok, j'ai jamais entendu. Ouais. Là, il tourne en tous les pays, dans tous les pays francophones. En permanence. Ouais. En Suisse, Belgique, Québec. Ouais. Ouais. Et en France, ouais. Dans les dom-tom, partout. Et il a commencé tout petit. Et toi, tu écrivais des pièces de théâtre Pas du tout. Là, j'étais juste comédien marionnettiste. Ok. Ouais. Comment est-ce que... À quel moment tu as appris à faire fonctionner une marionnette? Ben, sur le tas aussi, quand il y avait des répétitions. Puis, Est-ce que c'était à fil ou à main? C'était à fil, mais simple, et puis des marottes. Ok, ouais. Mais c'était à vue, c'était des histoires que Jean-Pierre Hidat, qui a fondé les Trois Chardons, écrivait lui. C'est lui qui écrivait. C'est une pièce pour un acteur marionnettiste. Avec un décor hyper bien étudié pour être monté rapidement, démonté rapidement. Oui, mais oui. Comme ça, on faisait 4 écoles par jour. Et c'était et au début, c'était les 4L, donc les 4L, sillonnaient la France. Ah oui. Ben là, j'avais 25 ans, donc je fais ça. Mais tu travaillais avec les enfants, aimais-tu la relation que tu avais avec le public Ah, j'aimais beaucoup, oui. Oui. Parce que j'aime bien leur action. Oui, mais eux ne trahissent rien, ils sont authentiques. Ah, ça pardonne pas. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Puis ça, quand il y a de la longueur, tu sais. Oh oui, quand il y a des longueurs, tu sais. Oui. Ils se cassent. C'est ça. Alors, c'est en les regardant que vous quittiez, que vous travailliez, hein, que tu replaçais les. Ben, y avait un texte très précis, des mouvements vers eux. C'était assez interactif, donc ils se sentaient assez vite concernés. Puis les marionnettes étaient bien faites. Et puis voilà, il y avait une musique qui était écrite spécialement pour le spectacle. Et, alors il y avait de la qualité. Ça marchait, et ça marche toujours. Je t'ai plu, tu m'as plu, on sait plus comment s'en sortir. Je t'ai cru, tu m'as cru, on s'est cru tellement déçu. Tu aimais à me dire, faut jamais dire jamais, toujours. Mon amour, ça te joue à des tours, au détour d'un amour. Mon amour, je t'aimais, tu m'aimais, on s'est même pas dit au revoir. Tu valais mieux, je valais mieux, il valait mieux ne plus se revoir. Tu aimais à me dire, dans l'amour il y a le jour et la nuit. V'là l'ennui, notre amour avait le jour, ben faut qu'il voit la nuit. Et l'ennui, il y a des âmes perdues à jamais à cause d'un toujours qu'elles ne reverront jamais. D'avoir un jour cru en ce toujours, elles s'en remettront jamais, elles y penseront toujours. T'es parti, je suis parti, on est particulièrement seul. Tu vis ta vie, je vis ma vie, mais vis-à-vis de la vie, on fait la gueule. Moi j'aimais à te dire, l'un dans l'autre, on est bien, mon amour, l'un sans l'autre, on n'est rien. Qu'un matin, sans bonjour. Maintenant, ils font plus que deux écoles par jour. Ah oui, mais là, vous faites. Puis à travers ça, toi, tu continuais à écrire tes chansons. Oui. Faire du cabaret. Puis... Mais c'est une école de cabaret. Hein? Ouais. Enfin, c'était les cabarets où on écoutait quand même. C'était pas le cabaret où, sauf que... où les gens bouffent. Oui, mais en fin de soirée, c'est plus le même public. Les gens sont un peu plus bourrés, donc c'est un public plus difficile. Je sais pas, je crois qu'au Québec, il y a des caves à chansons. Des oui, comme oui, ça. Oui, oui, oui. Ouais, les gens, ils écoutent. Les boîtes à chansons qu'on a. Mais là, ça n'existe plus, les boîtes à chansons. Ah ouais. Ah non, c'est terminé, ben oui. C'était la bouteille de Chianti avec la bougie. Tu sais, c'est une bouteille ronde avec du tissu bon, voilà. Avec une bougie. Puis ils prenaient des filets de pêche pour mettre au-dessus. On appelait ça des boîtes à chansons. Et pourquoi la bougie? La bougie, ben pour aller sur la boîte de Chianti. Donc, la bouteille de Chianti. Ah oui, pour la décorer bougie, les tables. Allumer la... Oui, pour faire un centre de table. Un centre de table, oui. Et souvent, ils prenaient des endroits qui n'étaient pas du tout prévus pour ça. Donc, la grange d'à côté, on sortait les vaches, puis on rentrait l'artiste. Ah bon? Ça, c'est une blague de Clémence Desrochers, parce qu'elle vient de cette école-là. Puis elle disait en blague, ah, c'était pas compliqué. On prenait les granges, on sortait la vache, puis on rentrait l'artiste. Voilà. Puis c'était la bouteille de Chianti avec des filets. Ouais. Puis on mettait des coquillages. Puis on faisait chanter Claude. À l'époque, il y avait. Claude Léveillé. Il y avait plein de monde. Il y avait Yvon Deschamps, un humoriste. Non, mais il est connu au Québec, oui. Qui est quand même très vieux, 94 aujourd'hui. Ouais. Gilles Vigneault aussi a commencé un peu là, Félix Leclerc, Raymond Lévesque, et c'était des boîtes à chansons. Il y en avait partout au Québec. Ça, on parle des années fin 60, début 60, au début 70. 70, il y a le rock qui est arrivé avec Charles Bois, tout ouais, ça. Oui, puis aussi, il y avait des cabarets, ensuite, des cabarets. Ouais. Puis Aznavour allait là avec son pianiste. Le pianiste est resté, il est parti vivre au lac Beauport. Après ça, Aznavour a marié sa fille avec un Québécois. Donc, il venait souvent au Québec. Après ça, il y avait Piaf qui passait, il y avait Brel, mais c'était des petites salles de... 150-200 personnes. T'as connu ça, toi? Non, mais il était connu là-bas. Toi, t'as pas connu ça? Ah non, moi, j'ai pas connu ça, mais c'est pas grave. Mais j'ai connu ça par mon intérêt. par mes lectures, par mes visionnements, par les documentaires que... D'accord. Parce que c'était florissant, c'était merveilleux. C'était la place à la musique, pour ne pas dire la place aux chansons. Et même à Montréal, il n'y a pas de... Il n'y a plus ça de... Ben, tout est... Oh non, tout est... Ben, c'est comme ici, hein. Ben ici, ce qui refait un peu surface, c'est... des lieux associatifs. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, bon, c'est, oui. Des trucs de quartier qui font, ils s'occupent un peu de tout, des jeunes, des vieux, ils font des activités, et puis le samedi soir, ils font venir de la musique, ouais, de la chanson. Mais nous, on a des brasseries, des endroits où les gens mangent et boivent, mais c'est des reprises, c'est des musiciens qui reprennent Pink Floyd, toutes ces conneries. Ah, ouais. Donc, il y a très peu de place à la chanson. J'avoue que je me suis un peu arrêté à... L'application m'a comprise. Je me la traverse, c'est Richard Desjardins. Oui, ben là, ceux qui sont encore actifs. Oui, d'accord. Richard Desjardins qui est le poète, et Plume la traverse qui est Michel la traverse, qui lui est un polémiste. Ouais. Est un être qui, un peu comme Sartre Loret. Voilà, ouais. Qui visse au plancher, comme on dit chez nous. Il visse au plancher. C'est-à-dire que lui, encore aujourd'hui, on l'entend dire, moi quand j'écris, c'est pas le marteau, je raconte pas l'histoire du marteau qui frappe le clou, mais le clou qui reçoit le coup du marteau. Ah, c'est beau ça. Donc c'est tout revoir. Il dit, moi je regarde pas avec la lentille, je retourne la lentille. Ah oui. Donc c'est de prendre une histoire que l'on connaît et qui peut être classique, l'amour, mais revoir ça autrement. Le côté loufoque, le côté provocateur. Et Plume fait encore... Ah, il m'a beaucoup plu, lui. Oui, mais il est encore au présent. D'accord. Ouais. Il fait moins de spectacles. C'est comme Michel Pagliaro, qui est un chanteur québécois. Pagliaro, tu connais? Ben, J'entends frapper. Ben, non? OK. Mais Michel Pagliaro a fait les deux premiers disques de Jacques Higelin. Il a produit les deux premiers disques. Il a arrangé les deux premiers disques de Jacques Higelin. Il a fait... Jacques Higelin, après ça, a été présenté à Diane Dufresne. Et Diane Dufresne le prix pour faire sa mise en scène de Rose, c'est-à-dire qu'elle montait à Montréal, au Stade Olympique, ok, avec une robe rose et un long morceau de linge qui traînait derrière, rose. Et elle traversait toute la, à peu près deux fois cette rue-là avec ça. Puis ça, c'était une idée de Jacques Higelin. Et c'était un spectacle unique. Elle faisait juste un soir. Ah bon? Ça s'appelait Magie Rose. Je baladais de ville en ville, quand même. Non. Pour arriver sur scène, elle arrivait du début de l'endroit, du Stade Olympique, pour aller sur scène. Alors, c'est qu'une fois? Oui, elle a fait juste ce spectacle une fois, qui a été filmé. Ah, ben, alors, il y a un disque et puis il y a... Mais une seule fois. Une vidéo, quoi. Oui, ouais, une vidéo. Mais c'est un spectacle un seul soir. Je connais pas. Et Higelin était là. Ben, tu connais Diane Dufresne? Ah, beaucoup, j'adore. Bon, c'est ça. Je passais à côté de ça. Alors, Higelin était... Ben, ça s'est passé à Montréal, pas ailleurs. Ouais. Et puis, Higelin était là. J'adore Diane Dufresne. Puis Pagliaro a fait plein de chansons. Comment tu l'appelles? Pagliaro. Pagliaro. P-A-G-L-I-R-O. Michel. Pagliaro. Oui. Il a toujours des lunettes fumées. Puis aujourd'hui, il fait des petites salles de 100 personnes. Il peut faire 150 spectacles par année avec toutes les mêmes chansons depuis le début. Il est... C'est drôle parce qu'à chaque fois, c'est indiqué... Pagliaro. Supplémentaire Pagliaro. Il est constamment supplémentaire. Donc, il peut faire 18 fois la même salle, mais c'est son premier show, mais il vend tellement que, comme c'est une salle de 100 personnes, c'est un mois plus tard, donc il peut faire une année. Il reprend ses tubes depuis le début, un peu comme Michel Polnareff. Ouais, ouais. Mais Polnareff est limité, contrairement à Pagliaro. Parce qu'il a un petit côté chauviniste. Mais c'est ça, donc il reste des petites salles, mais très... Si t'es pas connu, tu rentres. Ouais. Mais il y a Internet. Aujourd'hui, les jeunes savent bien utiliser Internet. Ah ouais, les gens comme 25-30 ans. C'est ça. C'est ça. D'autres autres. Ouais, ouais, ouais. Il y a peut-être beaucoup pour que. Enfin, il y a toujours 5 ou 6 qui sortent. Puis toi, qu'est-ce que tu veux raconter lorsque tu écris une chanson, lorsque tu prends le crayon? Ben, je te dis, c'est quand. Une émotion qui. Faut qu'il y ait une émotion, quoi. Un regard, que je pose un regard. Est-ce que l'émotion vient. Gros sur quelque chose. Mais l'émotion, est-ce qu'elle vient des mots ou de l'idée? Vient d'une situation. Okay. Je me souviens quand j'écrivais des séries, je passais tous les. La prod était du côté d'Opéra et il y avait un Apple Store juste à côté. Et il y avait souvent un SDF qui était là, qui faisait la manche à l'entrée. Et je commençais à délirer. Qu'il avait dû vendre son iPhone pour pouvoir bouffer. Ah ouais, ouais, ouais. Parce qu'il avait perdu son job. Il devait faire une chanson sur les iPhones. Ça. Ok. Et c'était cette histoire-là. Ouais. Du SDF. Ben, non. Alors, le mec au rythme sort les iPhones. Ok. Le mec il court après la nouveauté. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Okay, il toujours être à la fine pointe. Il cherche l'appli qui lui dira quoi faire de sa vie. Ouais. On a besoin d'être. Aujourd'hui, même si on n'est pas intelligent, le téléphone va l'être à notre place. Ouais, on se repose complètement. Essaye de te souvenir d'un numéro de téléphone. Oui, il dit, quand je sais plus où j'en suis, je demande à mon iPhone. L'application. Oui. Et il me géolocalise. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, essaye de te souvenir d'un numéro de téléphone, tu ne sais plus. Ah, non. C'est ton cellulaire qui le sait. Même le mien, j'ai. Ah, ouais. Ah, ok. T'es rendu à ce point-là. Okay. Ah, oui. Ok. Non, il faut se rappeler. Son code de carte bleue, faut oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Le téléphone. Oui. Si, je connais. Mais avant, on connaissait celle de notre amoureuse, de nos maîtresses. Aujourd'hui, c'est le cellulaire qui se souvient. Donc, il ne faut pas que tu te gourres en croyant t'appeler ta maîtresse, qu'il ne faut pas que tu prennes le numéro de ta femme. Elle s'appelle ta mère. Oui, c'est ouais, mais là, ta mère, la mienne est loin. Oui, Et au fur et à mesure de ton écriture, est-ce que ça s'est modifié ou tu as gardé la même facture, la même structure d'écriture? Bah, instinctivement, j'essaye de varier quand même. Mais sur l'avant-dernier, celui-là, il y a... Le dernier, je veux dire. Ah, le dernier? Ouais. Oh, bah, l'avant-dernier, il y a 2 ans. Hein, donc, ouais. Et sur le dernier, oui, il y a des choses que j'aurais pas forcément écrites. Comme ça. Il y en a une qui s'appelle quelque chose. Ouais. Ah oui, que je connais, oui. Quelqu'un qui a perdu la mémoire. L'Alzheimer. Bonjour madame. C'est pour le ménage ? Ah, pardon. Votre sourire est bon. Il perce les nuages. Vous savez mon prénom ? Oh. Il manque tant de pages de tuiles sur ma maison. Qui êtes-vous pour moi? Je ne sais plus grand-chose. Mais regardez là-bas, l'abeille sur cette rose. Vous me parlez de ville, de voyage, de chansons. Et je souris docile devant votre émotion. Vous êtes sur une île, moi je perds l'horizon. Oh, ne m'en voulez pas, je ne suis plus grand chose. Mais venez avec moi, allons voir cette rose. Vous voilà mon bras glissant sur le gazon. La chaleur de vos doigts me procure un frisson. Oh. Je sens mon cœur qui bat, se pose des questions. Il y a dans votre voix des visages qui dansent, et tout autour de moi, tant de nuits de silence. Oh, merci d'être là, comme une amie d'enfance. Non, je ne connais pas du tout Mandre les Roses. Allons, ne pleurez pas, respirez cette rose. Vous me pressez la main et se mêlent nos rides. Vous me dites à demain de ce regard humide. Et vous lâchez soudain notre nœud dans le vide. C'est curieux, mais parfois vos yeux comme les roses. Oui, vos yeux quelquefois me disent quelque chose. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.